Annabelle Flair, moi, belle femme, lac en ciel, 27 points sensibles, moi. À la remède, même remède. Moi, à quoi? Ou à moi? Moi, là ou là moins, moi-même, à ou même. Nous-mêmes ensemble, collés. En jouant comme ça, moi, pour qu'on finisse comprendre. Femme difficile, impossible, qui l'est souillé? Yo tombé palé sous dos. Quitte yo palé, Jean, yo pito. Yo pas connaît sous qui poto mi temple, plafond ciel, la chita, temple, la dodoméa. Ou fourre chapeau, l'empié, et pourtant, mais marché sous patte main, on. Tête en bas, wap marché sous patte main, on. Ou ple détaillé bandak, belle robe rouge, qui plissé à ton la crié pli blanc. Annabelle Flair, moi. Moi, aimé en rouge. Oh, tu, à la remé, moi, aimé en rouge. 27 sentidos. Moi, à ou. Te amo, à toi. Moi, là où. Yo, à ti, ou là, moi, moi-même, à ou même. Nous mêmes ensemble collés. Eso no viene. On jouait comme ça. Faut moi chercher comprendre. Amada de mis 27 sentidos. Moi, Annabelle Flair. Te amo, mi tu. Qui ça me dit, Zaval Palan, me dit. Tu a mi me. Nosotros. Eso no viene al caso. ¿Quién eres tú, hembra innumerable? Tú eres. ¿Eres tú? La gente dice que eres. Deja que digan. No saben cómo se mantiene en pie el campanario. Llevas el sombrero en los pies y caminas con las manos. Con las manos caminas. Tú, porti cappello sui tuoi piedi. Tu vestido rojo ha cerrado en pies blancos. Sulle mani. Roja amo, Ana Flor. Roja te amo. Oh via! I tuoi vestiti rosso fuoco segati in bianche pieghe. Nosotros, digamos que infiammato, io amo Anna Fiore. Infiammato, io t'amo. Tu, della tua, te a te, io a te, tu a me. Noi... Questo poi va a finire nella fredda brace. Jay, Joe, Jonah. Ecca, Jonah. Jay, Mena. Jay, Joe, Jonah. Ecca, Jonah. J. Mayna. Toi, moi, moi et toi. Mono, nge, mono, nge, nge, mono. Di, dai, dao, di, mi and di. Tu, tue, te, tibi, ego, tibi, tu, mihi, nos. Aku, kekau, kekau, aku, akulah kau, ku, kaulah ku, kekau, kita. Kau, kau, Ana merah bunga, aku cinta kau. Dalam merahmu, aku cinta kau. Merah cintaku, aku ana bunga, merah cintaku pada kau. Kau yang pada kau, yang milik kau. Aku yang pada kau, kau yang padaku. Kita. Kau, kau, berendai. Kimi da tora,